Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On revient évidemment sur la série Marquis Hurricanes. La série est maintenant 1-0 pour les Marquis de Jonquière. Hier, c'était le premier match hier et les Marquis l'ont emporté par la marque de 4-3. Le prochain match aura lieu le samedi à Mastouillache. On revient sur la nouvelle du Nouvel Hebdo. On sait que le Nouvel Hebdo a annoncé il y a quelques jours qu'il manquait d'arbitres et également d'entraîneurs à l'association de soccer de Boumsissi. En entrevue sur les ondes de DanaRadioSport.com hier, Patrick Tropeano a mentionné qu'on a retrouvé, on a quand même recruté quelques arbitres et des entraîneurs depuis quelques temps à l'association et depuis l'apparition de cet article. On va l'écouter là-dessus. On s'inquiète pas trop, là. OK. Il n'y a pas de danger, je penserais bien, pour les activités cette année, mais on prévoit dans le futur, là, puis... c'est sûr que au niveau de l'arbitrage, là, ça commence à être peut-être dangereux pour nos activités ici. Parce que là, on manque quand même d'arbitres, mais comme tu le disais, on a fait des gens, on a quand même sorti un article dans le Nouvel Hebdo, on est allé à la radio, là. Toi aussi, tu vas nous faire de la pub pour ça. Puis ça a quand même porté déjà fruit parce qu'on a recruté déjà 2-3 nouveaux arbitres. Et dans un deuxième temps, Patrick Tropeano a mentionné évidemment qu'il manque quelques arbitres et des entraîneurs pour bien faire encore. Ben là, présentement, moi, j'ai fait une petite projection là avec les inscriptions, puis il nous manquerait à peu près un 4-5 entraîneurs. OK. Vraiment pour débuter comme il faut cette saison-ci. Puis au niveau des arbitres, là, il nous en manquerait, je te dirais que j'en aurais 3-4 de plus aussi, là, ça ferait bien mon affaire. En terminant, je rappelle que c'est maintenant le temps de s'inscrire à l'école d'arbitre de Justin Saint-Pierre qui aura lieu au mois d'août prochain. Le coût d'inscription est de 205$. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent se rendre sur notre site web ou encore sur la page Facebook de l'école arbitrage hockey. Donc, c'est une invitation à toute la population. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec Marc Fortier. On parle évidemment du Canadien de Montréal. Mathieu Caron vient nous parler de la Ligue du Lac au Fleuve. Guy Saint-Gelin vient nous parler de la Ligue JMS. Le sport local et régional à DanRadioSport.com, la référence du sport, on s'en occupe.